Et je te joue la comédie, moi. Tu me connais, je suis incapable de prendre sur moi. Mardi, j'en suis sûr, un mardi 27.